Ils courent dans le sable comme des ombres enragées. Leurs cris déchirent les cieux, brûlent les armées. Chaque pas résonne comme mille coups d'épée. Le désert lui-même se met à trembler. Rayleigh est invoqué, le cercle s'ouvre, la guerre sacrée s'engouffre dans la cendre rouge. Des flammes sortent, des mains levées, des tambours sonnent, l'univers est frappé. Les tambours claquent, les esprits sont liés. Ils n'attaquent pas, ils prient en frappant. Chaque blessure est une offrande au vent. Rider ce qu'il passe, c'est pas son tempête. Son regard fait fuir même les prophètes. Le sol s'ouvre, le sable s'élève. Le dieu de la guerre avance sans trêve. Sont noirs, le nom gravé dans la pierre du soir. Les lances tournent comme des prières. La sueur, le sang, la poussière. Un cercle décore la folie sacrée. Le culte en transe, impossible à briser. Chaque voix hurle, chaque point frappe. Même les dieux s'arrêtent dans le fracas. Rayleigh le conduit, non pas une armée, mais une foi plus dure que l'acier. Un seul nom est resté dans l'air. Rayleigh.